voulant résumer un petit peu peut-être qu'est-ce qu'on est rendu. Et on a fait un grand bout de chemin depuis le chapitre 1. Ça fait plusieurs mois qu'on a commencé. Et qu'est-ce qui influence notre journée? Qu'est-ce qui influence ce qu'on va faire aujourd'hui? Je dirais, c'est notre passé et notre futur. C'est notre passé et notre futur qui influencent la journée que nous vivons aujourd'hui. Et quand nous méditons sur les choses à venir, sur les vérités qui sont devant nous en tant que peuple de Dieu, ça ne peut pas faire autrement que d'influencer nos journées d'aujourd'hui. Je suis de plus en plus convaincu qu'on ne peut pas être exposé à la vérité sans qu'elle fasse un effet en nous. Et je crois que c'est un privilège que nous avons les Écritures et qu'on puisse s'y arrêter et regarder et voir comment est-ce que ça peut nous influencer. Notre fille va partir bientôt, le 23, en Thaïlande. Donc, on l'a vu se préparer. Son futur a influencé ses journées depuis quelques semaines, quelques mois, qu'elle est en train de se préparer. Et on la voyait de plus en plus nerveuse parce qu'elle n'était pas certaine d'avoir son foutu billet qui tardait à arriver. Donc, elle était toute énervée. Puis là, elle appelait à Montréal à peu près tous les 2-3 jours pour savoir si le billet était bien prêt, tout ça. Puis elle n'arrivait pas encore, fait qu'elle dit qu'elle devenait nerveuse. Mais en même temps, quand on se parlait, elle disait juste 20 jours, juste 10 jours. Ça diminuait là, les journées. Donc, son futur influence ses journées de tous les jours qu'elle vit parce qu'elle a un rêve, une espèce de projet ou d'ambition d'aller là-bas à Thaïlande voir le père de l'enfant qu'elle porte. Et notre garçon aussi est en train de préparer un voyage en Thaïlande. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais en tout cas, il s'en a à vouloir y aller là-bas. Donc, il s'en va là. Les autres s'en vont en Asie pendant 6 mois, lui et sa copine. Donc, ils s'en vont passer 5-6 mois en Asie au mois d'octobre, fin d'octobre, début novembre. Mais je ne l'ai jamais vu travailler si fort de sa vie pour amasser des sous pour aller en Thaïlande. 2 jobs, des fois 3 jobs, puis il va aller à l'école en plus, puis ça arrête à pas. Un matin, il était à 8h, 20h, il était sur le golf, mon gars, il s'en allait au golf, pas pour jouer, pour travailler. Après ça, il finit son golf à 4h, il jump dans un autre suit, puis il s'en va au KC pour travailler jusqu'à 10-11 heures. Pourquoi il fait tout ça? Il y a un projet, un futur qui l'attend. Il y a une ambition. Est-ce que les gens qui nous connaissent voient ça en nous? Qu'on a quelque chose qu'on vit, qui n'est pas comme les autres, qui est spécial, un projet, un avenir qui nous influence. Je crois que oui. S'il parle avec nous assez longtemps, s'il vit avec nous assez longtemps, ils vont voir qu'on parle, qu'on discute, qu'on fait des projets pour des choses qui nous influencent vers l'avenir. Alors, c'est vrai qu'ils vont nous voir faire des choses terre à terre parce qu'on vit encore ici. Mais on a une ambition qui influence nos journées. J'étais en train de travailler dans mon logement au sous-sol. Et j'étais à 4 pattes en dessous du hors du frigidaire parce qu'il y a de l'eau qui coulait à terre. Et quand je me suis relevé, je suis arrivé en pleine face avec la photo de ma fille Geneviève qui est décédée. Parce qu'elle est sur le frigidaire de ma fille en bas. Puis je me suis dit à moi-même, toutes ces choses-là ne t'influencent plus. Tu n'en passes plus de foutu temps à réparer des frigidaires. Puis à peinturer, puis à faire du gyproc. Ces choses-là n'ont plus aucun intérêt pour toi. Tu fais autre chose. Et des fois, je me demande, mais qu'est-ce que tu fais de toutes tes journées? Qu'est-ce que tu fais? À quoi est-ce que tu occupes ton temps? Parce qu'il n'y a pas ces foutues choses qu'on nous autres, on fait toute la journée. Tu sais, ce qu'on fait nous autres toute la journée, là, elle ne les fait pas, elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pas de vaisselle, pas de popote, pas de lavage, pas de bicycle, pas de maison, pas de sport. Il n'y a rien de ça. Fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est intéressant de poser la question. Elle est juste devant Dieu, puis ça semble que ça doit combler le temps. Et on va voir un petit peu ce matin, dans ce chapitre 21, pas ce que ma fille voit, parce que ce n'est pas encore fait, mais en même temps, ce qu'elle va voir en même temps que nous, parce qu'elle ne verra pas avant moi. Ça, je suis bien sûr. Mais ce qu'on va voir ensemble ce matin devrait nous porter à méditer et influencer nos propres journées. Je vais vous faire lire quelque chose, on va lire ensemble. Romains chapitre 8, à partir du... On va lire ensemble. 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. L'apôtre Paul ici dit aux chrétiens que la création, le monde dans lequel on vit, aussi loin que vos regards peuvent porter, vers le haut, vers le bas, dans toutes les directions, le monde dans lequel on vit souffre et désire la délivrance. Mais il parle comme si la création sait que ça n'arrivera pas avant que nous, on soit glorifié. C'est marqué, elles attendent la glorification des enfants de Dieu. Tout ce monde dans lequel nous vivons, tout ce que nous pouvons voir, que nous, des fois nous trouvons si beau, c'est pas dans sa beauté première. On ne peut pas nous imaginer à quoi ça ressemblait la terre avant le péché. Parce que vous savez que la terre a été maudite par Dieu. Des fois, je dis ça à des gens qui appellent ça les Greenpeace, ceux qui s'occupent de l'écologie, qui parlent que l'être humain est une espèce de peste et que c'est nous autres les responsables de comment ça va sur la Terre, puis que tous ces problèmes, que l'écologie qu'il y a, tout ça. Ah, c'est vrai qu'on a notre part de problème. Mais je dis, avez-vous déjà pensé que la création de Dieu, ou la création, parce que je dis, a été maudite par Dieu? Et que cette création-là n'est plus ce qu'elle a été quand elle a été créée. N'est plus ce qu'elle a été. Ce n'est pas juste que nous autres, on fait des conneries avec ce que nous faisons, mais elle aussi, elle a été faite d'une façon telle quand elle a été maudite. Dieu a jeté un sort, je peux dire comme cela, pour que ce soit difficile pour nous d'y vivre. Vous avez déjà pensé ça? Arrêtez de penser ça. Il a créé le monde pour que ce soit difficile pour nous d'y vivre. Il dit, tu vas souffrir, tu vas suer ton sang. On a sué hier, en tout cas, ceux qui ont travaillé un petit peu. Il dit, tu vas suer à travailler et à gagner ton pain. Tu vas souffrir, tu vas travailler fort, mais il va sortir des ronces et des épines. Ça voulait dire quoi? Tu vas travailler, ça va être dur, tu vas souffrir pour avoir, juste pour pouvoir vivre ici-bas. Pourquoi vous pensez qu'il a fait ça comme cela? Pourquoi il ne nous a pas laissés dans le paradis? Il dit, écoute, ben là, je vais le laisser dans le paradis. Ils sont pécheurs, mais je vais le laisser dans le paradis. Et puis là, ils vont trouver que c'est beau, que c'est fun, c'est agréable. Ils vont m'aimer pour ça. T'sais, ils vont m'aimer là, que je les laisse dans une belle place. Puis ils vont peut-être m'obéir ou venir à moi. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a fait une place où ça va être dur de travailler, de vivre là? Ça va être souffrant de vivre là. Pour qu'on n'aime pas rester ici. Pour que ce ne soit pas si drôle ici. Quand ce n'est pas le fun dans un logement, qu'est-ce que vous faites? Vous en cherchez un autre. Et l'être humain, à cause de ce qu'on vit ici, que c'est difficile et qu'on souffre, on cherche autre chose. On est porté vers autre chose. Regardez ce que les premiers chrétiens vivaient. Car il attendait la cité de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir dans l'Apocalypse. Dieu a préparé une place pour ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont mis leur espérance en lui ici-bas, ceux qui n'ont pas vécu pour ici-bas, mais qui ont dit, il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de céleste, quelque chose de plus grand que la terre. Et on veut vivre pour quelque chose de plus grand qu'ici-bas. Et Dieu dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce qu'ils vivent pour quelque chose de plus grand. Abraham a quitté son monde parce que Dieu l'avait appelé. Et si vous lisez le chapitre Hébreu, chapitre 11, vous avez vu tous les héros de la foi qu'on appelle, qui ont tous vécu quelque chose pour démontrer leur foi en Dieu. Un peu plus loin, il dit dans Hébreu 12, 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. » Et donc, il dit, « Spirituellement, vous vous êtes avancés vers Dieu, vers la cité de Dieu, vers la cité spirituelle de Dieu. » Et ce matin, on va voir qu'il va aussi avoir quelque chose de physique et de matériel. Mais on l'a fait spirituellement, premièrement. Et aussi, on va le faire d'une façon physique. Dans Hébreux 13, 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Donc, les chrétiens, c'est des gens qui cherchent, vivent, sont des, comme on pourrait dire, des nomades. Ils savent, les nomades, vous savez, si vous avez déjà vécu ça, vous avez déjà rencontré, vous avez déjà vu des peuples qui sont nomades. Quand je suis allé en Israël, on est allé voir les Bédouins. Et les Bédouins, c'est un peuple de nomades. Et si vous regardez la télévision au canal 31 ou au canal 34, les canals qui parlent de documentaires, des fois, ils vont vous montrer des peuples qui sont nomades. Et vous garantissez qu'ils ne plantent pas les piquets creux. Pourquoi? Ils sont toujours en train de changer de place. Ils ne s'accumulent pas beaucoup de biens. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'ils ne veulent pas en avoir à traîner. Et on voit qu'ils sont nomades. Ils changent de place. Donc, ils vivent comme... Ils ne vont pas rester là. Et le chrétien, dans l'Épître aux Hébreux, était comme ça aussi. C'était des gens qui ne vivaient pas comme ils étaient si bas pour toujours. Ils vivaient comme s'ils s'en allaient. S'ils étaient en pèlerinage vers une autre ville, vers un autre monde, vers un autre pays, un pays céleste. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir dans Apocalypse 21. Nous allons voir que Dieu nous promet cela. Et on va voir comment ça va se dérouler. Je vais vous le dire encore, comme je l'ai dit dans les autres fois, il y a des centaines d'interprétations de ces textes. Vous savez comme moi. Si vous êtes assez vieux chrétien, vous savez. Chacun a sa petite idée comment ça doit être interprété, ces textes-là. Moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'un jour, on va être avec Dieu dans un lieu spécial. Que ce soit spirituel, physique, ici-bas, en l'air, en bas, n'importe où. C'est pas ça qui est important. C'est que l'important, c'est que je vais être avec Dieu. On va voir l'importance que ça a ici. On va lire les premiers quelques versets, si vous voulez bien. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » On va arrêter là pour le moment. Il dit dans un des versets, « Et toute chose sera nouvelle, ou seront nouvelles. » Ça veut dire que il y a un moment donné que le monde, comme il existe aujourd'hui, n'existera plus. Il n'y aura plus rien de pareil. Parce qu'il dit quoi? Toutes choses seront nouvelles. Dieu va recommencer, va refaire à neuf le monde dans lequel nous vivons. Oh, là, il y a différents groupes qui croient différentes choses. Les chrétiens ne voient pas tout ça pareil. Il va-tu faire disparaître la terre? Va-tu juste renouveler la terre? Va-tu juste purifier la terre? Enfin, on regardait chez nous un chambreur qui était un chrétien qui travaillait à Mont-Tremblant puis cherchait une place à rester. Il avait resté chez nous quelque temps. Puis, à un moment donné, il travaillait dans une maison où est-ce que c'était une maison qui classait un petit peu comme historique. Il n'avait pas le droit de défaire certaines choses, mais il avait le droit de faire des rénovations. Quand ils ont fini les rénovations, tu ne voyais plus l'ancienne maison, elle était cachée par les rénovations. Peu importe ce quoi que ça va être la terre, peu importe si ça va être la même qui a été renouvelée ou si ça va être une nouvelle au complet, mais une chose est certaine, tout va être nouveau pour nous et tout va être nouveau et il n'y aura plus aucune trace du passé. L'apôtre Pierre parle de cela aussi dans 2 Pierre 3. Quelqu'un voudrait lire 2 Pierre 3, verset 5? Donc ici, Dieu il semble dire que comme la terre a été détruite par l'eau, un jour elle va être détruite par le feu. Donc ça n'aura pas tout à fait le même résultat. Mais il dit que ça va être détruit. Ça va être comme purifié pour en faire quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas nouveau comme annonce, parce que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passage qui en parle dans Isaïe 65, 17. Quelqu'un voudrait lire ça? Dans Isaïe 66, 22, quelqu'un d'autre? Et dans 2 Pierre 3, 13. Donc Dieu, il dit que, je ne sais pas si on peut prendre ça d'une façon complètement littérale, quand il dit, on ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Je me suis dit, l'hôtesse, ça doit être comme ça qu'on va être heureux. On ne se rappellera plus des conneries qu'on a faites. Tout le mal que les gens nous ont fait. J'en voudrais plus à Émile. J'en voudrais plus à Gaëtan. On ne s'en voudra plus parce qu'on ne se souviendra plus de rien. Oh, il y en a tellement que je ne m'en souviens pas. tu vas tout oublier ça, Melobar, tu ne t'en souviendras même pas que c'est ce que je t'ai dit un matin. Tu sais, c'est comme j'ai dit, mais François, il y a des choses que j'aimerais me souvenir. En tout cas. Mais la Bible dit qu'on ne se souviendra plus du passé. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de douleur, de tristesse, de souffrance. Je me suis demandé souvent comment je vais faire pour être heureux au ciel, me souvenant que mes enfants, mes parents, qui ne sont pas sauvés, sont en enfer. Comment je vais faire pour être heureux pendant ce temps-là? Avez-vous déjà pensé ça? Comment est-ce que je vais faire pour être heureux si les gens que j'aime ne sont pas là? Comment Dieu va faire, je ne sais pas. Mais il va s'amancher pour qu'on soit heureux. Peut-être c'est ça qu'il va faire. On ne s'en souviendra plus de certaines choses. Mais Dieu dit que je vais faire quelque chose, un nouveau monde ou une nouvelle Jérusalem. Où est-ce que ça va être l'allégresse, la joie? Donc, il va détruire tout cela. Il va en faire un nouveau ciel, ou tout ce qui est en l'air, et tout ce qui est en bas, tout ce qui est dans la terre, sur la terre, sous la terre. Il va tout faire ça à nouveau. Il va-t-il faire comme le premier avant le péché, ou s'il va faire mieux que le premier? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va faire ça différent, parce qu'on va être différent, parce qu'on va avoir des corps renouvelés, hein? On va avoir des corps ressuscités, régénérés, des corps comme Jésus? On va-tu avoir besoin de dormir, de manger? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, le monde dans lequel vous vivez et que je vis est appelé à disparaître. Je me souviens une fois, j'avais dit ça. C'était pas très bien intelligent, ce que j'avais dit, mais en tout cas, j'avais dit à une personne que je jasais avec, et j'avais dit, tout ce que tu vois, tu peux t'en servir, ça ne me dérange pas, un jour ou l'autre, tout va être à moi pareil. Il dit, comment ça? Ben, il dit, Dieu va faire les nouveaux cieux, les nouvelles terres pour moi, ses enfants. Et tout ça va nous appartenir plus tard. Il dit, t'es malade, vrai? T'es malade, vrai, mon honnête? Mais pourtant, c'était bien vrai ce que je disais. Mais c'était peut-être le bon moment de lui dire à lui à ce moment-là. Tout va être nouveau. La ville va être nouvelle. La nouvelle Jérusalem. Regardons à partir, juste, il dit qu'il va avoir, qui va être là? Qui vont être les habitants de cette nouvelle ville? Le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Il dit, j'ai entendu un trône, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Qui va être dans la ville? Dieu. Hein? Premièrement, un des habitants de cette nouvelle ville, ça va être Dieu. On va le voir face à face. Dans l'Ancien Testament, il y avait la ville de Jérusalem, il y avait un beau gros temple là, dessus de la montagne, il y avait au milieu, il y avait une petite cabane là, puis personne ne pouvait entrer. Mon ami, Dieu était là. Hein? Dieu était dans la petite cabane, et personne ne pouvait le voir. Tout le monde savait qu'il était là, mais personne ne pouvait le voir. Là, il ne se cacherait plus. Hein? Avez-vous déjà vu ça? C'était... Dans l'Ancien Testament, il y avait des représentations, de la boucane, des nuages, des fois c'était du feu, il y avait une petite tente, Dieu est à l'intérieur de la petite tente. Puis là, finalement, dans le Nouveau Testament, Dieu vient habiter en nous, c'est nous autres qui devient le temple de Dieu. Et finalement, Dieu va venir habiter avec nous et on va le voir face à face. Voyez-vous la progression? On va se ramasser avec Dieu face à face. Il va être là, dans la Nouvelle Jérusalem, et il ne sera plus caché. Pourquoi? Pourquoi il ne sera plus caché? Pourquoi tout le monde pouvait le voir? Plus de péché. Dieu se cachait pour nous épargner. Pour nous épargner. Si ça serait montré à nous, on serait tous, quoi? On tombait mort à terre. Tout le monde serait mort. Il s'est caché pour nous épargner. Mais il nous rappelait qu'il était là. Là, dans la Nouvelle-Jérusalem, il dit, Dieu, tu vas le voir face à face, il ne se cachera plus. Parce que tu ne seras plus pécheur. Tu ne seras plus pécheur. Tu vas pouvoir le voir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Le peuple, il dit qu'il va être là. Versets 4 à 8, il dit, tous ceux qui sont là, hein, ils vont vivre là. Tout le peuple de Dieu va vivre là. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et le peuple de Dieu va vivre là, et va vivre d'une façon très nouvelle. Certainement, je pensais, il nous vient des idées folles des fois. En tout cas, une chose, vous êtes mieux pour tout savoir ce que je pense. J'étais en train de lire ça, certainement, je me suis dit, il n'y aura plus de nouvelles à faire. Il n'y aura plus de nouvelles à donner. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de rien. Ben, il n'y aura plus de nouvelles. Parce que si vous écoutez les nouvelles, c'est juste de ça qu'il y a. De la mort, de tristesse, des viols, des ouragans, des tsunamis, tout ce que tu voudras. C'est juste des mauvaises nouvelles. Là, il y a ce qu'ils vont faire, ils n'en pourront plus. Hein? J'ai dit, en tout cas, c'est niaiseux, là, mais en tout cas, c'est ça que j'ai pensé. J'ai dit, plus de nouvelles pour TVA, pour TQS. Hein? Versets 5 à 7, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit que la relation qu'on va avoir avec Dieu va être parfaite. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui va vaincre va avoir une relation père-fils d'une façon parfaite. Et c'est ça que je me dis, mes frères et sœurs, ça va être là toute l'histoire, je pense. C'est là tout ce qui va jouer dans le ciel. Cette relation-là avec Dieu d'une façon parfaite. Ceux qui croient à la réincarnation, en grande partie, c'est leur désir de vivre une vie parfaite et pouvoir, quand ils vont mourir, s'intégrer avec Dieu et avoir une relation avec ce Dieu-là, le Dieu qui les a créés, dans le fond. Mais ils ne prennent pas le bon moyen, vous savez comme moi. C'est pas la réincarnation qui va nous faire, c'est la justification qui va nous emmener dans la présence de Dieu. C'est qui que ça va être? Qui vont être ces gens-là? Qui vont être ceux qui vont participer, qui vont avoir le droit de rentrer dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres-là? Qui sont ceux qui vont être là? Mais là, vous savez que tous les mouvements religieux s'ostinent. Tous les mouvements religieux essayent de gagner le monde en disant, viens sur mon bord, puis moi, je vais t'emmener là. Puis là, on dit, non, viens, fais ce que moi, je te dis, puis je vais t'emmener là. Puis tout le monde essaie de vendre un moyen d'aller au ciel. Puis il y en a qui cherchent cher, tu payes. Hein? Il y en a qui cherchent cher. Il y a des mouvements religieux qui chargent très cher pour pouvoir t'emmener là-bas. Verset 7 dit, « Et celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et sera mon... » C'est qui ça? C'est qui va vaincre? Vaincre quoi? Verset 8 nous donne un peu une réponse. « Mais pour les lâches... » Là, on ne parle pas de ceux qui se lèvent tard. Là, c'est pas ça qu'on parle ici. Là. « Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc, ceux qui n'iront pas, c'est ceux du verset 8. Donc, ceux du verset 7, c'est ceux qui ne sont pas dans le verset 8. Vous suivez mon raisonnement? Donc, ceux qui vont vaincre, ce sont ceux qui ne sont pas des lâches, ne sont pas des incrédules, ne sont pas des abominables, ne sont pas les meurtriers, ne sont pas les débauchés, ne sont pas les magiciens, ne sont pas des idolâtres, ne sont pas des menteurs. Sont parfaits. Et vous vous souvenez, hein, tous ces mots-là, on les a vus dans l'Apocalypse. Et on doit tous les prendre d'une façon spirituelle. On ne parle pas des débauchés sexuels ici. On parle des débauchés spirituels. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas compté de mentir à leur mari ou à leur femme ou à leur père ou à leur ami. On parle des menteurs, ceux qui sont contraires à la vérité. On parle des incrédules, c'est contraire à ceux qui sont crédules, ceux qui ont la foi. Les abominables, c'est ceux qui font des choses contre ce que Dieu a enseigné. Donc, toutes ces choses-là, c'est des gens qui sont des non-croyants, qui n'ont pas voulu croire, qui ont exprimé leur débauche spirituelle en adorant d'autres dieux, en vivant dans l'idolâtrie. Donc, ils ont adoré la bête, ils ont adoré le système, ils se sont donnés, ils ont pris la marque. Vous vous souvenez de tout ça? On a vu les autres semaines. « Dis-moi qui tu adores, je te dirai qui tu es. » Si tu adores Dieu, tu vas hériter avec Dieu. Si tu adores la bête ou le système du monde dans lequel tu vis, tu vas avoir ce que le monde va avoir. Et le monde, ce qu'il va avoir, c'est la seconde mort. Donc, quels sont ceux qui vont entrer? C'est ceux qui vont vaincre. Et dans l'Apocalypse, c'est ceux qui vont vaincre le système. Satan, le dragon, la première bête, la deuxième bête, toutes ces affaires-là. Ils vont vaincre ça. Ils vont garder la foi jusqu'à la fin, même s'ils doivent payer de leur vie. Et ils vont hériter toutes ces choses. Il n'y a pas de milieu. Tu l'as? Bon, non, tu l'as pas. Quand on était catholique, il y avait un milieu. On appelait ça le purgatoire. Mais je n'ai pas vu d'abîme, en tout cas. Pas encore. Je n'ai pas vu. Il n'y a pas de milieu. Tu as vaincu ou tu n'as pas vaincu? Si tu as vaincu, tu vas avoir droit au nouveau ciel, nouvelle terre, à Nouvelle Jérusalem. Si tu n'as pas vaincu, mais tu vas être jeté dans l'enfer. Est-ce qu'on a le temps d'aller plus loin? Un petit bout. Verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il y a un switch, cette là. Il faut que vous suiviez bien, bien concentré. Ça n'est pas trop chaud. Il y a un switch là. Il dit, « Viens, je te présenterai, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » À quoi vous pensez tout de suite? L'Église. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Donc, il dit, viens, je vais te présenter la femme de Jésus-Christ, l'épouse de l'agneau, puis il se vire de bord, puis là, il descend une ville de là. C'est drôle, hein? Il parle de la femme, mais il dit, viens, on va te la montrer, puis il dit, montre une ville. Il faut vous suivez ça, là. C'est pourquoi il fait ça, là? C'est quoi l'idée? On continue. Il y avait, au verset 12, il y avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur ces 12 portes, 12 anges, et des noms écrits sur des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ceux qui me parlaient avaient pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur, et mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Ça veut dire que c'était un cube. Même largeur, même profondeur, même hauteur. Un gros cube. C'est qui ça? C'est qui ce gros cube-là? C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est aussi l'épouse. C'est drôle, hein? L'épouse, la ville. C'est-tu la ville ou c'est l'épouse? C'est-tu les deux? Il mesura, au verset 17, il mesura la muraille. Il trouva 140 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de le jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant était son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations... on va arrêter là, pour le moment. Verset 23, on va arrêter là. C'est-tu la ville ou ben non, c'est l'épouse? C'est-tu l'épouse ou la ville? Moi, je prendrais la position que c'est les deux. Jean parle comme l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait souvent, « Oh, comme je t'aime, Jérusalem! » On savait très bien qu'il n'aimait pas les roches et les pierres. Qu'est-ce qu'il aimait? C'était les gens. Dans l'Ancien Testament, quand tu parlais de la ville, tu parlais des gens de la ville. Et si tu parlais des gens, tu parlais aussi de la ville. C'était interchangeable. Quand il dit, je vais te présenter la nouvelle Jérusalem, il dit, viens, je vais te présenter la femme de l'agneau, c'est la même chose. Le peuple et la ville, c'est la même affaire. Il en parle comme si c'était une entité unique. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Si c'est l'épouse de l'agneau qui le représente, c'est une super belle femme. Avez-vous remarqué que c'est comment ce qu'il a décrit? D'or pur, de perles, de bijoux, de saphirs. Tout ce que vous pouvez voir, si vous étiez bon en dessin, vous pouviez dessiner. La ville, avec les descriptions qu'on donne là, c'est vraiment éblouissant. Quand Jésus et que Dieu pense à vous, c'est comme ça qu'il vous voit. C'est fun, hein? Parce qu'ici, il décrit l'Église, c'est nous autres l'Église. L'épouse de Christ, c'est nous autres. En tout cas, je me trompe, là. C'est nous autres. Puis, il a décrit comment lui va la percevoir et comment ce qu'elle va être, cette Église-là. Viens, je te présente la femme de Jésus, l'épouse de Jésus, qui est l'Église. Elle est parfaite, elle est pure, elle est d'or pur, tout est pur, là. Et dans la présence de Dieu. Elle est décrite d'une façon comme une belle grosse ville, très riche, très prospère, très sécure. Il n'y a pas de mal qui rentre là, il n'y a pas de problème dans cette église-là. Tout le monde est heureux, tout le monde est bon. C'est un paradis, un petit coin de paradis. Il y a des publicités qui font ça, hein? D'aller voyager et de se trouver un petit coin de paradis. Vous avez peut-être déjà dit ça de votre place. « Ah, ça, c'est mon petit coin de paradis. » Ça, c'est notre place à nous autres. Hein. C'est ça qui nous attend. Mais c'est en même temps que c'est notre place, en même temps, c'est nous. Savez-vous comment les dimensions qu'il donne de la ville? Les murailles sont 144 coudées. Comment c'est haut, ça, 144 coudées? Non, la muraille, en hauteur. Non. Non. C'est 18 pouces. Ça, coudé, c'est ça. 18. Ça fait 216 pieds. 216 pieds de haut, la muraille. Une méchante muraille. La ville, elle a 12 000 stades. J'ai calculé ça en 1000, pas en kilomètres, en 1000. 1320 000 de large, de profond et en hauteur. Il y a plusieurs étages, là. Hein? Ça fait plusieurs étages. Je ne comprends pas qu'enfin qu'il a donné la hauteur. Tu sais, je me dis, il me semble que les villes, on parle, là, c'est une ville qui a 30 km de long et 50 km de large, mais on ne parle jamais de hauteur. Puis ici, Jésus dit que la ville, elle va avoir 1320 000 de haut. C'est pas mal haut. Pas mal haut. En tout cas, faites-vous-en pas, il y a de la place pour vous autres aussi. Il y avait quelqu'un qui avait compté comment est-ce que ça ferait grand. Comme si on mettait, mettons, là, 1320, là, par 1320, un étage de 15 pieds, mettons, pour mettre à tous les étages un côté de l'autre, c'est plus gros que la Terre. C'est plus gros que la Terre. Parce que 1320, la Terre a juste 25 000 de conférences. Mais si je fais 1320 par 1320, ça fait de la place, ça, là. Il dit, il y en a de la place dans le ciel. Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez évangéliser, il n'y a pas de problème. Il y a de la place à l'entrée. Tout le monde qui va se convertir. Tout le monde. Et je crois qu'on peut se réjouir ce matin. Moi, je ne m'attends pas. Dans ma personnalité, je lis le passage, puis j'essaie d'avoir une image dans ma tête. C'est tout ce que j'essaie de faire. Je n'essaie pas d'interpréter chaque petit détail. J'essaie d'interpréter, puis je me dis... Puis j'étais allé sur Internet cette semaine, puis j'ai marqué Jérusalem céleste. Puis il y a toutes sortes d'images qui sortent de là. Des gens ont essayé de... Il y en a qui ont fait vraiment des beaux dessins. Il y a des grosses portes rondes, là, juste une grosse, grosse perle, mon vieux. Là. C'est vraiment fantastique de voir ça, comment est-ce qu'il y en a qui ont de l'imagination. Et moi, tout ce que ça me dit deux choses. La place où je m'en vais vivre, c'est super beau. Puis moi qui vais vivre dedans, je suis aussi super beau. C'est tout ce qui m'intéresse. Et le Dieu qui va être dedans avec nous autres, bien lui, il est super, super beau. On va vivre là, pour l'éternité. Pour l'éternité. Je ne sais pas s'il y a des tickets. Il y en a qui disent qu'il y a des tickets, des billets. Puis si tu vas habiter le premier étage, ou bien non, la 1320e étage. Si tu étais gentil, tu vas prendre le premier étage. Puis tu étais moins gentil la deuxième, tu étais moins gentil la troisième. L'étain va être en haut, lui. Non. Moi, je ne pense pas ça, personnellement. Je ne crois pas ça. Parce qu'elle est quoi? Elle est... Vous remarquez qu'est-ce qu'elle dit? La vie, elle est transparente. Ça veut dire quoi? Les murs, tu ne pourras pas te cacher. Tu n'auras pas besoin de te cacher. Puis peu importe où tu vas être dans la bâtisse, c'est transparent, donc tu vas voir Dieu qui est là. Partout ce que tu vas être dans la bâtisse, dans la ville, Dieu va être omniprésent parce que c'est transparent l'affaire. Il n'y a pas de mur pour dire, ben moi je vois mieux Dieu que toi. Il n'y a pas de coin pour se cacher. Ça va être de la lumière. Et Dieu va être notre lumière, Jésus ça va être notre flambeau. Et il va avoir de la lumière. Moi je vois la lumière, là, pas juste comme un soleil, mais une connaissance quasiment parfaite de la personne de Dieu. Parce que Dieu est lumière. Et je crois qu'on va pouvoir avoir une relation avec Dieu d'une façon qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui. Même pas s'imaginer. Moi, je crois toujours que si Jésus apparaissait devant moi, j'arrêterais toujours de faire ce que je suis en train de faire. Peu importe ce que je suis en train de faire. Êtes-vous convaincu de ça? Si Dieu vous apparaîtrait, vous arrêteriez de faire, vous direz, peu importe ce que j'ai comme rendez-vous aujourd'hui, nada, je ne fais rien avec ça. Je reste avec Dieu aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas la capacité de le voir comme ça, encore. Mais un jour, ça va être demain. Un jour, ça va être demain. J'ai intitulé mon sermon « Enfin chez nous ». Enfin chez nous. Prions ensemble. Notre Père du ciel, quelle belle image tu nous donnes. Ça nous fait rêver. Ça nous fait désirer être là. Ça nous fait désirer te voir. Ça nous pousse à te louer. Parce que toutes ces choses que nous avons lues ce matin, c'est pour ceux qui vont vaincre. Mais tu as dit que tu as vaincu pour nous. Nous savons très bien que sans toi, nous ne pourrions pas vaincre. C'est pour ça ce matin qu'on s'unit avec tous les vieillards de l'Apocalypse. On jette à tes pieds notre couronne et on te loue pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Puisses-tu être béni éternellement pour ce que tu as préparé pour nous. Aide-nous pendant la semaine qui vient à le partager avec ceux qui nous entourent. Qu'ils puissent voir en nous des gens qui vivent et se préparent pour un monde meilleur. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen. On se lève, si vous voulez bien. On chante le dernier chant. Et